Radiomatic. Amorcer la transmission 460 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du duo français OMR, formé de Virginie Krupa et Alex Brovelli, de l'album Side Effects Remixes, paru en 2004 et qui présente des versions remixées de chansons apparaissant sur le premier album de OMR intitulé Side Effects. Nous entendions la pièce Confabulation Hybridism Remix exécutée par le projet français Tara King Theory. sans attendre, lançons la prochaine séquence musicale sur la musique de la formation Tonka. me perdonaras. Yo dije que esto podría acabar mal. Te haré entender. Mi amor no se renta. Si lo vives, no da la balanza, más que equilibrar, rompe la paciencia. Me perdonarás, yo dije que esto podría acabar mal, te haré entender. Despertar, despertar, despertar, conectas. Despertar, despertar, despertar, conectas. Despertar y esconder la verdad, conectas. Despertar y esconder. Magia eres tú, pero si magia eres tú, pero si magia eres tú. Nous venons d'écouter la formation Lucybell et une version remixée de la pièce Cometas. Cette version se retrouve sur le EP intitulé Primitivo. Avant Lucybell, c'était la chanteuse Feu Amy Winehouse et sa pièce You Know I'm No Good de son second album Back to Black qui est paru en 2006. Et on amorçait la séquence avec la formation Tonka et sa composition M.I.N. A Shell, tiré de l'unique album intitulé Beta, publié en 2005. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe américain Agora. Good evening, friends. Thank you for that. You're welcome. Thank you. What need have I for this? What need have I for that? I am dancing at the feet of my Lord. All is bliss. All is bliss. We'll be right back. Cargado cacebe, caminho longe. E fala cuma. Galinha cargado cacebe, caminho longe. Mas jovem Deus parece uma galinha cargado. Que casi vi con ma cara custa na e vida tensi precio. Bu calza di visti e tensi precio. Bu camisa di visti e tensi precio. Adivina, adivina, adivina se. Ma che chi che ti impressiona è vita. I vita son chi che ti impressiona. E chi la comanda Calilu tarda ta fallancuma. Cabu di shabu calurbai Suma mondi sanna yavo. Cabu di shabu calurbai Suma mondi salna yago. Thank you. Ura kuma vina songti bali pene Lanta babu vina irmon Embra kuma vina songti bali pene Lanta babu vina Pensa dire tu irmon Kek ma bali pene Kek ma bali pene Il s'agissait à Audiomatique du groupe français Meiteicho. De son album intitulé Loba et lancé en 2003, nous vous avons présenté la pièce Achara, précédemment à Meiteicho. Et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était le groupe floridien Agora, mené par le guitariste Santiago Dobles. De son premier album homonyme sorti en 1999, nous entendions sa composition Jiwatma. Audiomatique se poursuit maintenant sur la musique de la formation allemande Neu. touch the earth, not to see the sun. Nothing left to do but run, run, run. Let's run. Let's run. House upon the hill, moon is lying still. Shadows of the trees, witnessing the wild breeze. Come on, baby, run with me. Let's run. Run with me. Run with me. Run with me. Let's run. The mansion is warm at the top of the hill. Rich are the rooms and the comforts there. Red are the arms of luxurious chairs. And you won't know a thing till you get inside. Ce que nous venons d'écouter à Audiomatique, c'était bien sûr la formation The Doors et sa pièce Not to Touch the Earth, tirée de l'album Waiting for the Sun, paru en 1968. Avant The Doors, nous écoutions le groupe Neu, formé en 1971 par Klaus Dinger et Michael Rotter, à la suite de leur départ de la formation Kraftwerk. De leur troisième album intitulé Neu 75, paru en 1975, nous écoutions la pièce E-Music. En conclusion de cette transmission 460 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de la formation anglaise Lady Tron. De son septième album Time's Arrow, paru en janvier 2023, nous écouterons la chanson-titre. D'ici la transmission 461 qui sera diffusée la semaine prochaine, vous pouvez vous rendre sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou pour accéder à nos archives numériques. Voici donc Lady Tron et la chanson Time's Arrow. C'était Audiomatique avec les sonoristes.